بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في الدرس 55 بعد المئة 155 leçon. يقول المؤلف حفظه الله تعالى toujours dans le livre du comportement. لماذا كان النساء أكثر أهل النار؟ Pourquoi est-ce que les femmes sont les gens les plus nombreux du feu? Du fait que elles maudissent et insultent beaucoup et elles sont ingrates. يكثرن اللعن ويكفرن العشير. Ça c'est connu chez les femmes, malheureusement. Des hommes également ont cette particularité-là, mais c'est une chose qui est propre à la femme. D'ailleurs, un homme qui se comporte de la sorte, on dira qu'il a un comportement de femme. D'accord? Les femmes parlent très mal lorsqu'elles sont en colère. Elles ne pèsent pas leurs mots entre elles, ou avec leurs enfants, ou avec les voisines, ou avec leurs proches, même avec leur mari. Elles parlent mal. Elles n'arrivent pas à s'arrêter, à avoir des propos, pesés. Et là, on parle de façon générale, bien sûr. Et elles sont ingrates envers les bienfaits qui leur sont accordés de la part de leurs parents, ou de la part de leur mari, de la part des gens, de façon générale. Donc cela leur cause d'être parmi les gens les plus nombreux de l'enfer. Et elles sont également une source de grande tentation pour les hommes. Et beaucoup de femmes se servent de cela pour égarer les hommes. Comme dans le hadith d'Abi Saïd al-Khudri, quand le Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam, « Ya marcha al-nisa tasadakna fenni raïtukuna aksar al-nar » Le Nabi sallam, il a dit, « Oh, vous les femmes, faites l'aumône, car je vous ai vu comme étant les gens les plus nombreux dans le feu. » فَقُلْنَا فَبِمَا يَا رَسُولُ اللَّهِ Ils ont dit, comment cela, au messager d'Allah? قَالَ تُكْسِرْنَا أَلْلَعْنَ وَتَكْفُرْنَا أَعَشِيرَ Il a dit, vous êtes, certes, vous insultez beaucoup, vous maudissez beaucoup, et vous êtes ingrates. Comme dans le hadith mutafakun alayhi. Et également, le Nabi sallam, il a dit, وَلَوْ أَحْسَنْتَ إِلَيْهَا كُلَ الدَّارِ إِنَّمَا رَأَتْ مِنْكَ مَا يُعْجِبُهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطْ Qu'elle, si jamais cette femme-là, tu serais bienfaisant envers elle toute ta vie, le jour où tu lui ferais une chose qui lui déplaît, elle dirait, je n'ai jamais vu de toi de bien. Et c'est une chose qu'on a vue dans le comportement des femmes. On raconte une histoire d'un émir, je ne sais plus comment il s'appelle, notre cher Belhamine lui a raconté, qu'il avait reçu une grande somme d'argent. Et sa femme a vu l'argent, elle a dit, donne-le-moi. Il lui a donné. Il lui a donné, en cadeau. Après, il s'est assis avec elle. Et il a eu une dispute avec elle par la suite. Après, il est sorti de chez lui en rigolant. Les gens l'ont vu, lui ont dit, mais pourquoi tu rigoles? Il dit, j'ai reçu une telle somme d'argent, ma femme me l'a demandé que je lui donne, je lui ai donné, en cadeau. Après, on a discuté, et quelques temps après, on s'est disputé, à ma vue, je n'ai jamais vu de toi de bien. Donc ça me fait rire, car c'est une chose qui est vraiment subjugante. Je lui ai donné cette somme-là, et après, elle ose me dire cela. Mais lui, il a pris cela à la plaisanterie, en rigolant. Qu'Allah nous accorde la patience sur le comportement et les manquements que l'on doit affronter face à nos épouses, et qu'il en soit de même pour elles. Et également, les femmes sont les plus nombreuses au paradis, du fait qu'elles sont plus nombreuses que les hommes sur terre. Et que chaque homme aura deux femmes, des filles de Adam au Jannah. Donc elles sont plus nombreuses. Mais en enfer, elles seront encore plus nombreuses. En enfer, elles seront encore plus nombreuses. Car de base, elles sont plus nombreuses que les hommes sur terre, les femmes. D'accord? Elles sont plus nombreuses que les hommes sur terre, mais elles sont plus faibles d'esprit. D'accord? Elles sont plus fragiles. Et elles n'ont pas cette force de caractère qu'un homme pourrait avoir de façon générale. Non, et la femme a besoin, c'est une vérité, elle ne peut rester seule et se gérer. Quand tu laisses les sœurs entre elles trop longtemps, ça finit en dispute, ça finit en querelle, ça finit en divergence. Elles ne sont pas faites pour être mélangées les unes aux autres, contrairement aux hommes qui sont amenés à sortir faire la salat al-jama'a, qui sont amenés à travailler en commun, qui sont amenés à faire plein de choses. Donc Allah a mis en eux ce fait de pouvoir tolérer, de pouvoir concilier et de pouvoir admettre ou de pouvoir faire preuve d'une bonne politique. Alors que la femme, Allah elle a décrété qu'elle reste chez elle. Si elle se mélange aux autres femmes trop longtemps, tout le monde a vu ce qui se passe en général. Ça finit de façon peu plaisante, en général. Car elles ne sont pas faites pour cela. D'accord? Elles sont faites pour rester chez elles, s'occuper de leur foyer de façon générale, de leurs enfants et s'occuper de leur mari. Après, certaines ont des particularités qui leur permettent de faire des choses plus importantes. D'accord? Mais ce sont des cas particuliers. De façon générale, la femme, elle est pour ça. Elle est le pilier du foyer. Elle est le pilier du foyer. نعم ثم قال في السؤال الحادي عشر وأربعمائة وألف من 411 question هل خضوع المرأة بصوتها فتنة est-ce que la complaisance dans la voix de la femme est une tentation pour l'homme? On dit نعم quand elle parle avec complaisance elle baisse sa voix et fait une voix douce c'est une fitna pour l'homme كما قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا et ne soyez pas complaisant dans le parler afin que celui qui a une maladie dans le cœur ne se mette pas à vous convoiter. D'accord? Et dites une parole juste. Al-Ahzab, le coalisé, verset 32. Donc, lorsque les femmes parlent avec les hommes, lorsqu'elles sont affrontées à cela par le téléphone ou pour des échanges ou autre chose que dans les choses permises, elles doivent parler de façon peu complaisante. Peu complaisante. Donc la foi de la voix de la femme est une fitna pour l'homme. ثم قال في سؤال 13,400 من 413 question. ما أجر من قضم غيظه وقادر على أن ينفذه. Quelle est la récompense de celui qui retient sa colère alors qu'il est en mesure de pouvoir, on va dire, l'extérioriser. قال في حديث معاذ بن أنس الجهني قال النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وقادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره الله من الحور عين ما شاء. رواه أبو داود. Que celui qui se retient alors qu'il est en colère, d'accord, il retient sa colère alors qu'il est en mesure de pouvoir l'exprimer, Allah l'appellera le jour de la résurrection au devant de toutes les créatures et lui fera choisir qui il veut parmi les Huli'in, les femmes qui ont été créées au paradis. Donc ça c'est le sort de celui qui retient sa colère, une colère qui pourrait faire du mal, qui pourrait le nuire. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque cet homme lui demande des conseils, il dit la tardob, ne te mets pas en colère. Maintenant la colère n'est pas interdite dans l'absolu. Il y a des colères qui sont même obligatoires, se mettre en colère pour Allah, lorsque les limites d'Allah sont outrepassées. D'accord ? Cependant, en dehors de cela, l'homme moins se met en colère, mais cela est pour lui. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais mis en colère, si ce n'est lorsque ne s'est jamais vengé ou n'a fait appliquer de sentence à quelqu'un, si ce n'est lorsque les limites d'Allah azawajal ont été outrepassées. Naam. ثم قال في سؤال ربيع وربيع عشر وأربعمائة وألف 1414 question. ما هو أجر من بنى لله مسجداً؟